Je m'entends absolument pas dans le machin, c'est délirant. Ah, ça y est. C'est bien, c'est Pyongyang City Rockers qui recommence pour son 380e numéro. Tu peux encore baisser un petit peu le fond musical là. Ils sont gentils, clash, mais bon, ça va un petit peu. Après, ça clash. Voilà. Ça va, Jamo ? Ouais, bonjour. T'attendais ici devant depuis une heure ? Eh ben dis donc, ça y est. Tu sais qu'à chaque fois que tu bouges ton micro, Célia, ça fait un boucan pas possible. Ah ouais, on entend blom, blom. Vous savez que vous êtes dans une radio libre comme ça, c'est Radio Campus 106,6. Jusqu'à 21h, c'est Pyongyang City Rockers 380. Aujourd'hui, plein de choses, même des nouveautés grâce à Jamie qui a toujours des nouveautés maintenant. Pas encore sorti, toi aussi. Ah, moi, c'est déjà sorti. Mais... moi, je crois que j'en ai pas. Par contre, vers 20h20, on devrait avoir normalement un petit coup de fil d'un camarade avec qui on va causer de piraterie pour le bien de la cause, avec un point d'interrogation derrière le bien. Pour l'instant, un groupe qui passe en ce moment, enfin qui va passer d'ici quelques minutes à Dunkerque au DND Bar, ex-Belnar, place Jeanne d'Arc, c'est Split Dogs, et des gens qui viennent de Bristol et qui font du punk and roll, on va dire ça. Et puis il y aura aussi du DJ set avec Undersonic, mais ça je sais même pas ce que ça fait. Bon, ça doit être du punk et puis du rock, quoi. Donc voici pour l'instant Split Dogs avec Lafayette, strictement rien à voir avec des Lafayette qu'on a déjà passé ici, Split Dogs en avant. précipitez-vous au DND Bar. Bon, enfin, c'est à Dunkerque, hein, donc si vous êtes à Maubeuge, c'est pas... Après, si vous êtes à Maubeuge, faut, si vous nous écoutez, c'est que vous écoutez en... sur les internet. Internet. C'est pas mal, ouais, ça. Ouais, Maubeuge, ils peuvent pas nous entendre. Non. Bon, il y a certains coins à Valenciennes, je crois, quand on est un peu sur une hauteur, on peut capter vaguement campus roverdien, mais ça, ça sera, c'est bon jusqu'en 2030, hein. Allez, 2033 ouais, peut-être. Mais... Hein. À Dunkerque, on peut aussi partir à Waterford. Mais oui. Pour voir Simpos, nos amis Simpos. Donc, je sais, je vous ai encore déjà passé deux exclus. Bah vas-y, passe à la troisième. Je suis gentil, j'en passe une troisième. Hein? Et c'est pas moi qui est gentil, c'est Primator Crew. Il donc fallait voilà. Le dire. C'est To The Dog et c'est le nom de l'album. Youpi. Tout de suite sur 106,6 Radio Campus. Ça y est, ils commencent à faire du Drunk Pete Murphy. Enfin, remarque, si en même temps, ils arrivent à faire de la pub anti-Trump et anti-Musk, moi, je ne dis rien. Il n'y a rien de mieux. Hein. Vous avez vu, suivi le dernier truc de Dropkick là, sur les réseaux sociaux. Ils ont profité d'un concert, je ne sais pas où, à Boston, je crois, pour dire ici, il n'y a pas de droit, enfin, en visant bon, nommément Trump et tout ça. Donc, suite à quoi, curieusement, leur compte Twitter a été suspendu. Oh. Compte suspendu, visite inattendue. D'ailleurs, bientôt, dans, d'ici 10 minutes, on aura une visite, mais téléphonique. Bon, ouais. Il n'y aura pas de dropkick ce soir. D'ailleurs, il y avait Simpos, c'était suffisant. Hein ouais. Après, il n'y en a plus d'exclus. Hein. Ah bah zut alors, vous écoutez ce bordel. Le 27, attends. Tu vas en entendre des exclus, mais pas musicales. Ouais. Moi, je vais vous amener en Bretagne. Je vais vous parler d'un groupe d'anarcho-punk breton. On y retrouve d'anciens membres de Matraque Attack ou aussi de Turbo Croc Terror. Ça s'appelle Spont Arstad, ça veut dire terreur d'État en breton. Tout est chanté, est chanté en breton, donc on comprend rien. Mais si tu comprends rien, bah en fait sur leur Bandcamp, il y a la traduction en français de toutes les paroles. Et ça c'est vachement chouette. Bien. Donc tu vois, il y a les deux. Il y a écrit en breton et il y a en français. Donc au moins, on peut comprendre ce qu'il raconte. Et comme ça, tu peux apprendre aussi. C'est ça. Et donc, ils ont trois morceaux disponibles. C'est tout frais. Et on écoute tout de suite Police Pelech, Justice Neblech. D'accord, ça veut j'ai dire... compris. T'as compris. Police partout, justice nulle part. C'est ça. Ouais, je parle breton, ouais. Et tout le monde. Déteste la police. Vas-y, on roule. C'est quoi ce bordel? C'est Radio Campus, c'est Pyongyang City Rockers. Numéro 380, je ne sais pas si on l'a dit. Ouais, si, c'est ça, ouais, tout à fait. Et c'est con parce que là, on ne peut pas le dire avec un accent belge. Non. Bon, bah, encore c'est 10 et on pourra. qu'est-ce que je voulais, de quoi je voulais parler? Ah oui, de babillage maladif. Tu t'es laissé manipuler, tu as craché sur ce en quoi tu croyais. Je ne te serrerai plus la main parce que tu as dépassé les bornes. Tu étais un bon gars, mais maintenant tu n'es qu'un pauvre con. Tu as toujours eu ta propre opinion, mais aujourd'hui tu fais partie du troupeau. Ne me fais pas chier avec ton triste baratin sur les réfugiés et tes conspirations. Quand tu me racontes tout ça, pour moi c'est un charabia malade. Va te faire foutre. Ces paroles pleines de gentillesse et de bonne humeur, on les doit à Casse-Tête, un groupe polonais de quelque part en Silésie. Donc bon, voilà quoi. Enfin, c'est en Pologne quoi. Casse-tête, ça s'écrit C-A-S-T-E-T, rien à voir avec un ancien Premier ministre de la France. Ce titre donc date de 2019, on peut le trouver sur leur Bandcamp. Et puis vous pouvez tout de suite les admirer dans Chori Belkot. Je sais pas si ça se dit comme ça, voici Casse-tête. Podróży, zjeżdżaj szybko na podróż. chest, odsuwając pudła z mężczyzn. Sięgam tam, gdzie stały flaszki, jak wyczuwam jakąś flaszkę. Tam, gdzie stała wegan kola, czuję w dłoni kształt suszera. Pana kawę jest na wasze, plantowana gdzieś i hacze. Patrzę z płotu jest na wasze, skrym się sprytnie za wzmacniaczem. Non, j'ai un appel là. Ouais, j'ai un double appel. Non, vas-y, je t'en prie, parle. Vas-y. Talk to me. Ok, ben moi je voulais vous parler d'un truc. Je voulais vous passer un truc et en même temps vous parler d'un truc. Parle-nous d'un truc. Mais quel truc ? D'abord, je vais vous annoncer ce que je vais passer. C'est Psychanalyse Prod. Le titre, c'est 3672. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les années 90 ou 91. Ouais. L'infoline pour ouais, les rave parties. Ouais. Moi, je ne m'en souvenais pas, mais tu me l'as rappelé tout à l'heure. Là. Mais oui, ouais, bien sûr. Je dédicace cette chanson à... Enfin, je dédicace. Ouais, on n'a pas le droit sur campus, mais pour toi, on fait des exceptions. Non, hein. Je tiens à le souligner. Ce que je voulais dire, c'est que... Voilà ce qui s'est passé. Il y a Steve qui est mort dans l'eau, dans une soirée. Ah ouais, ok. À Nantes ? À cause, ouais. À Rennes, Nantes, ouais. Et donc... je la dédie à lui. Et stop la répression. Et maintenant, il faut laisser les gens danser. 3672. En avant. On peut parler parce que ça démarre doucement. Non, on fait des grands gestes et tout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gros blanc au début, ça démarre pas. Allez, tu peux. Ça y est, danser. On y est. Parce qu'on se sent un peu partout chez nous. Ils croient qu'on est tous des tubers. Mais qui a appelé des saisonniers pour venir travailler chez vous? Pas de panique, man, j'ai la tactique adéquate. Pratique tout un tas de techniques mécaniques, cyniques pour ne pas être statique. Problématique, on s'est pathétique. Psychopathe de la politique, mon étiquette runie et ethnique. Trop d'échanges polychroniques pour leur paraître atypique. C'est de la clinique. Si tu critiques l'économie pratique qui folle, alors toi t'en as rien à foutre. Fric. Vas-y, mets de l'essence dans le groupe électrogène. Quand le mélange du rap et de l'électrogène, on arrive à mille dans un hangar où ils me plaignent. Oui, ça nous amuse de faire de la peine à Matignon. Quand y'a des dizaines de gros camions qui sortent les empires et des grosses rangées de caissons, on va faire boum boum. Pour évacuer la pression, grosse structure bête de life, partisan de l'oisiveté en action. Putain, mais merde, vous comprenez pas quoi. C'est pas juste une teuf, c'est une manifestation, tu vois. Les mecs veulent pas nous écouter, alors on a monté le son. Bon, allez, je vous laisse les cons, je dois retourner à la donation. On aperçoit les cendres du système qui brûle pendant que les bobos n'entendent que des samples des sirènes sûres. Quand arrive la fin du week-end, on se dit qu'on est si près du but. Entre nous, on veut de la proximité, on est si près, c'est le but. Un petit rap électro, parce que je suis électrique, parce que je suis éclectique et que j'ai les clés des tripes. J'aime cercler les types, j'aime charcler les beats, encercler les flics. Je décale la rythmique, un techno-rap pour réguler la justice avant que je dérape, pour dégainer la justesse. Chez nous, on aime respecter les Justine qui te coûtent. Y'a pas de Justine Bieber, City Good qui restera pour l'hiver. Car chez nous, c'est respect forever, never, never. À 9h, t'es pas couché, à 10h, j't'ai touché. Wow, wow, wow, wow. J'ai le cerveau calouché, toi t'es asservi, moi j'ai jamais triché. Chemin de grosse poule, continuez tout droit sur 1 km. Quand vous arrivez à Menhir de Peine d'Huître, faites demi-dur sur 3 km. Si vous voyez la tour Eiffel, c'est que vous êtes vraiment parti trop loin. Hein. Allez! Hello. Oh, et eh ben c'était très bien ton affaire. Ouais. Et puis alors, tu sais, comme tu nous passes un truc où ça parle de composer des numéros spéciaux. Moi, tout à l'heure, là, il y a quelqu'un qui a composé un numéro spécial, c'est celui de mon téléphone. Et puis, qui nous appelle en direct pour causer un petit peu, pour causer ce que je disais au début de l'émission, de piraterie pour la cause, point d'interrogation. Tu nous entends, monsieur antifouchiste ? Eh ben, écoutez, bonsoir. Ah ben ouais, il est là. Voilà. Alors dis donc on va parler d'une espèce de d'entourloupe en fait qui tourne autour de attirer des gens avec soit de la musique gratuite ou des contenus gratuits pour ensuite leur refourguer des divers éléments d'habillement et autres. C'est ça. Mais avant de parler de cette arnaque là, on va essayer un petit peu d'expliquer ton nom rapidement. Antifouchiste, c'est quoi ? On dit pas ton vrai prénom parce que ça reste un secret. Mais par contre, c'est quoi cette histoire d'antifouchiste ? Pourquoi ce nom ? Alors ouais, en effet, on ne dit pas mon prénom parce que les FAF, ils nous cherchent un peu, et puis ils me cherchent un peu moi aussi. Alors l'action antifouchiste, c'est un truc qui est né au début de la pandémie de Covid. C'est un collectif qui s'est engagé dans la veille et l'analyse des mouvements qu'on a appelés les conspifaf, c'est-à-dire les conspirationnistes et fascistes. Antifouchiste, c'est une référence à Louis Fouché, hein, ouais. Le fondateur du collectif Réinfo Covid. Je sais pas si c'est la peine que j'en parle, mais enfin, en gros, c'est un groupe de faf réactionnaires qui s'est agrégé autour de cette personnalité-là. Ouais. Et qui s'est agrégé autour de l'anti-vax et puis de la remise en question de tous les trucs scientifiques autour du Covid. Oui, mais en portant eux-mêmes un discours pseudo-scientifique, ouais. mais au-delà des anti-vax, hein, c'est clairement un site qui fait partie de la sphère réinformation, de la fachosphère Internet, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, ils sont très proches des Soraliens, quoi. Ouais. D'accord. Et donc, je pense que de toute façon, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a quand même déjà pas mal qui sont au courant des menées de ces abrutis. Et donc, en fait, donc toi, ton truc, c'est vraiment de collecter et de diffuser de l'information à propos de ces gens-là. Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, donc, justement, à certains sites web comme PiratePunk, anarchopunk.net ou nidionimètre.com, je crois. Ouais, ce vaste réseau. Bah, c'est une bonne question parce que franchement, nous, perso, et moi aussi, je préfère me lutter contre les faces que contre des gens qui sont normalement considérés comme des camarades. Mmh. Mais en gros, c'est un réseau que je connaissais vaguement à l'époque où j'étais plus punk que maintenant, même si je le suis toujours. Puis je voyais régulièrement passer leurs comptes sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'ils ont des comptes un petit peu partout. Et je crois que c'était quasiment dernière. Tous les réseaux sociaux, ouais. Il y a ouais, ça, t'as tout à fait raison. Je crois que c'était l'année dernière qu'on s'est activé contre un bouquin et une série de conférences transphobes qui étaient organisées dans différents lieux de gauche, quoi. Et on avait vu que le réseau Ni Dieu Ni Maître, il diffusait ce texte dégueulasse et puis aussi les dates des conférences. Donc du coup, on a essayé de les contacter pour demander de supprimer, mais sans succès, quoi. Ok. Et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Ben, en fait, on s'est un petit peu rencardé à l'époque, mais vite fait, on a vu que c'était quand même un truc un peu récurrent chez eux de partager des trucs merdiques et que il y avait jamais de réponse, il y avait jamais de retour de leur part. Ils communiquent pas, quoi. Ils ont beau être taillés dans tous les sens, rien à foutre, quoi. Du coup, c'est moi particulièrement, il y a deux ou trois jours, je crois. Je suis tombé encore sur un poste d'un camarade. Ouais. Voilà, fin de semaine dernière, un poste d'un camarade qui s'étonnait de voir passer une nouvelle saloperie de sous-réactionnaire, donc diffusée par ce réseau-là. Mmh. Et je voyais qu'il y avait plusieurs personnes qui se posaient des questions sur qu'est-ce que c'était. Et comme du coup, on avait déjà un petit peu crevé et qu'on avait envie un petit peu de savoir nous aussi, on s'est plongé dedans et puis on s'est tapé un gros coup de colère, quoi. D'accord. Mais alors, c'est pourquoi ce coup de colère? Que s'est-il passé? On a découvert une espèce de soi-disant communauté. Alors, je dis soi-disant, vous comprendrez plus tard, qui propose une trentaine de sites web. Alors, tu as des sites de forums, tu as des sites de download, tu vois, téléchargement de musique, d'accord, des sites d'information, de ressources militantes. On a trouvé qu'il y avait plus de 125 000 inscrits et 33 000 fichiers en ligne sur les forums Pirate Punk, Punk Download et compagnie. Donc c'est vraiment des piliers du piratage de la musique alternative et militante, quoi. Ok. Et donc, en fait, tu... Ouais, moi, ici, on connaît un petit peu des gens de... Enfin, ce truc, la pirate punk. Moi, parce que j'ai des activités sur Internet qui font qu'à un moment, j'ai eu maille à partir, on va dire, gentiment avec. Et donc, le truc que j'avais remarqué, c'est qu'en effet, il y avait sur la partie téléchargement de Pirate Punk ainsi que sur Punk Download qui est l'arrière boutique en fait où on va télécharger les choses si on en a besoin, en fait on retrouvait beaucoup de musique qui était mise à prix libre sur Bandcamp par des groupes, y compris moi il y a des groupes illois ici qui mettent leur musique en prix libre sur Bandcamp, donc si t'as pas de fric pour payer, tu prends la musique. Si t'as un peu de fric, tu leur mets. Et puis eux, ça va faire un petit quelque chose pour, je sais pas, racheter des cordes, des pots, enfin tout ce que tu veux, quoi. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et donc là, eux aussi se font pirater, c'est ça que j'avais remarqué. Ils se font pirater par Pirate Punk, et d'où une espèce de manque à gagner pour eux, quoi. Même si c'est pas énorme, quand même, c'est pas très cool. Donc voilà, c'était. Moi, je m'étais arrêté là. Je trouvais que c'était quand même déjà un peu tendancieux, mais en fait, il n'y a pas que de la musique sur ce réseau-là, Pirate Punk, il y a aussi d'autres trucs comme Ni Dieu Ni Maître, etc. C'est des sites d'information. Ouais, il y a des sites d'information. En 2016, ils ont lancé un site qui s'appelle Info Libertaire. C'est une espèce de plateforme en ligne qui centralise et qui diffuse les actualités qui sont issues de plusieurs centaines de sites militants. Ah bon, Et donc, ils vont chercher l'information sur d'autres sites pour la rediffuser. Ouais. Et en fait, Anarchoï, c'est un bidouilleur, un pisseur de code, quoi. Des techniques de scrapping, quoi. Ouais, attends, oui. tu parles de qui, là? Alors, Anarchoï, oui, c'est... Il est connu sur deux noms, Anarchoï et Ungovernable. C'est l'administrateur du réseau. D'accord. Et mais ce Anarchoï, en fait, c'est quelqu'un qui est une vieille connaissance pour les gens, ceux qui ont de la bouteille, comme moi, qui ont traîné sur les forums punk dans les années 2000. Dynamite, Punks Réseau, il y en avait d'autres comme ça. Et c'est quelqu'un qui s'est fait jeter d'à peu près tous les forums francophones où il y avait des punks. C'était, à un moment, c'était devenu une blague, quasiment. Et donc, donc c'est lui qui gère tout ce truc là, ces sites d'information. Il gère tout ça et puis il gère tout ça de manière un petit peu autonome, hein. Donc il utilise des techniques de scrapping, quoi. En gros, c'est du moissonnage automatisé de sites web. D'accord. Il collecte des articles et il les centralise sur sa plateforme. Les articles, ils sont ensuite automatiquement classés. En plus, il utilise de l'intelligence artificielle de ce qu'il dit. Ils sont classés par date, par source, par thématique. Et puis, ils sont diffusés sur 9 sites miroirs multilingues, en français, en anglais, en portugais, en turc. En tout, il y a 220 000 articles qui ont été pillés sur des sites de camarades et qui ont été placés sur son site à lui. Et donc, quand tu parles de pillage, tu parles bien de trucs qui ont été cherchés sans demander d'abord, on va dire, soit de s'en demander la permission, soit de s'en dire on va se servir et puis on va rediffuser. C'est ça? Bah, bien sûr, ils ne demandent jamais la permission. Et puis en plus, ce qui est problématique, c'est qu'ils prennent l'article en entier, ils prennent les images, ils prennent tout et ils postent tout. Donc les gens, ils se retrouvent sur cette plateforme, ils n'ont pas de raison d'aller sur le site d'origine, quoi. On est d'accord. Donc voilà, quoi. Et puis bon, alors après, c'est vrai qu'en bas de la page, si tu regardes bien, il y a la source de l'article, mais la source de l'article, elle est noyée sous des publicités pour des dizaines de t-shirts. Hein. C'est vrai, j'ai vérifié tout à l'heure, en effet, à chaque fois, il y a bien la source, mais elle est écrite en petit dans un coin. Et donc c'est sûr qu'on peut très facilement passer à côté. Attends, tu me parles de t-shirts, là. C'est quoi cette histoire? Tu me parles d'une boutique? Ah oui, ben oui, en 2010, Anarco, il a annoncé le projet de créer une boutique de t-shirts en ligne. Il vient de Montréal, Anarco. Donc il lance à ce moment-là nidieunimet.com et puis il va lancer aussi la version anglaise là, pour les Américains et les Canadiens anglophones. Okay. Et il va placer des banderoles publicitaires sur tous les sites qui composent son réseau. Des banderoles de pub pour des produits commerciaux. À l'époque par la communauté, par ses équipes de modération. Ouais. Mais il va rassurer tout le monde en disant que son projet il est non-profit et que tous les bénéfices serviront exclusivement à payer l'hébergement du réseau. Et puis plus tard aussi, il annoncera à financer des causes militantes. Ah ben c'est très gentil. Nous, on a regardé début 2025 ces plateformes de vente en ligne. Il y en a 5, hein, en 5 langues différentes. Elles accueillent plus de 90 000 visiteurs mensuels. Donc ça marche vachement bien en fait son système de réseautage. Quoi. Comment tu fais pour avoir ces informations de 90 000 visiteurs mensuels? Allô, par exemple? Allô? Tu m'entends ou tu m'entends pas? Allô? Ah, j'ai l'impression que ça ne marche plus. Ah. Bah pourtant si. Allô? On n'entend plus. Appel terminé. Ah zut. Bon bah du coup on va repasser un peu de zizik pendant que. Je pense qu'un truc qui est bien à passer, c'est Rudimentary Penny. Parce que justement, c'est de la musique que certaines personnes vont chercher sur les réseaux pirate punk, etc. et je donnerai les titres juste après. Vas-y, tu peux envoyer Ouais. Take it. C'est tout finitos. Attendez, je vais vous dire tout de suite les titres. Alors, vous avez eu droit de, par Rudimentary Penny à trois titres. Premièrement, Vampire State Building. Ensuite, When You Are a Martian Church. Et ensuite, en troisième position, Cosmic Hearth, le corbillard cosmique. Je pense que nous avons retrouvé notre... Allô ? Il y a quelqu'un ? Je suis reviendu. Ouais. Ah, problème technique, je suis un peu loin, c'est pour ça. Ouais. C'est pas grave. On est quand même tributaire de la technologie qui, des fois, fonctionne. Donc, je venais de découvrir que, en plus de ce business bizarre autour des infos, d'infos militantes, il y a aussi de la vente de t-shirts. Mais c'est quoi cette affaire ? Enfin, je. Voilà. Il y a donc tu avais parlé de la création d'une boutique en 2010, puis de 5 boutiques ensuite, ouais, d'une quintuple plateforme en 5 langues qui accueille plus de 90 000 visiteurs mensuels. Oui. Alors tu me demandais comment on fait. Bon, après il y a des sites qui permettent d'estimer la fréquentation des sites web, hein, donc il suffit après d'aller faire des petites additions, de trouver tout ce qui constitue, et c'est assez facile à trouver, quoi. OK. Donc là, tu es quand même en train de me décrire depuis le début de nos coups de fil, une plateforme qui est conçue d'abord pour attirer des gens avec des contenus pillés ailleurs et ensuite pour les convertir en consommateurs, c'est ça ? Bah, c'est exactement ça, je crois que tu as tout résumé en une phrase, c'est très très bien. son business, il est vraiment construit autour de ce principe simple. Il agrège des contenus élaborés par les camarades, il pille les artistes dans le but de créer un max de trafic, quoi. Tout est automatisé, les articles qui paraissent sont jamais modérés, comme on l'a vu, hein, donc il y a des saloperies qui passent. Et puis c'est pas la peine d'essayer de faire supprimer en demandant à la soi-disant communauté, parce qu'en fait cette communauté elle a aucun pouvoir, et son travail se limite au travail de modération sur les forums, quoi. Ils ont leur mot à dire sur rien du tout, ni sur la stratégie, ni sur les objectifs, ni sur la thune, ni sur quoi que ce soit. Ouais. Donc en fait t'es en train de me dire que c'est une communauté qui est fictive, quoi. C'est un truc qui est finalement au service d'une seule personne qui gère tout le truc, au centre de sa toile d'araignée. si je peux le dire comme ça. C'est exactement ça, quoi. Et puis toutes les boutiques renvoient sur les sites en ligne. Et puis c'est là qu'on commence à rigoler, quand on va commencer à fouiller sur qu'est-ce que c'est en fait que ces boutiques en ligne. Parce qu'il présente ça, lui, comme un espèce d'outil de production. On pourrait croire qu'il a une usine, ou enfin, je sais pas comment le dire, un atelier, quoi. Mais en fait, c'est qu'une boutique personnalisée de la multinationale Spreadshirt, quoi. En fait, ni Dieu ni maître, c'est du dropshipping de Spreadshirt. Spreadshirt gère l'impression, les paiements, la logistique, il vous envoie le colis, il vous facture. Ni Dieu ni maître de son côté, il fait rien d'autre que récupérer des logos, des slogans issus de la culture populaire et des luttes. Et par contre, il perçoit une marge confortable sur chaque vente, quoi. Ouais, parce que j'allais te demander, mais du coup, il fait quoi si Spreadshirt s'occupe de toute la partie matérielle ? Lui, il fait quoi, cet homme ? Il ne fait que récupérer des trucs à droite à gauche, sans demander ? Exactement. Non, il va piquer, par exemple, il va piquer le logo du club de foot antifasciste allemand Sampaoli, puis il va le revendre sur une t-shirt ou sur une casquette, quoi. Puis au passage, il va encaisser la thune, quoi. Oui, j'avais déjà remarqué qu'il y avait, parce que bon, je savais déjà qu'il y avait une boutique de t-shirts. Par exemple, il y avait des t-shirts des Ramones. Je me disais que bon, ils sont tous morts ou quasiment. Maintenant, c'est bon, il y a des ayants droit qui s'occupent de ça, qui font du fric dessus, grand bien leur face. Mais ça m'étonnerait qu'ils laissent les droits à Pirate Punk, là, ni Dieu ni maître, pour faire des t-shirts des Ramones. Ça m'avait semblé bizarre. Et il y avait certains noms comme ça, ou par exemple Conflict. On connaît le côté businessman aussi de Colin Jerwood, pardon. et ça m'étonnerait qu'ils laissent une partie du fric qu'ils gèrent via Conflict et puis Mortarite. À d'autres. Voilà, ça m'avait semblé bizarre aussi. Lui, il affirme qu'il a des autorisations, mais il n'y dit ni qui, ni quoi. Enfin, c'est très confus tout ça. D'accord, mais donc, en fait, t'es en train de dire aussi que ça génère beaucoup d'argent. Mais où il va, cet argent ? Enfin, je veux dire, ça sert à créer quelque chose de positif ou quoi ? Le discours il change en fonction des périodes, hein. Quand on revient un petit peu en arrière dans l'histoire et qu'on utilise Wayback Machine là, pour revenir un petit peu dans les archives internet, on voit qu'un coup il dit que la thune elle sert à financer son infrastructure réseau, hein, qui sont essentiellement des serveurs OVH qui servent pour ces 36 sites web. Bon, c'est un peu gonflé que, en fait, ces sites, c'est que des vitrines pour amener à la boutique de t-shirts. Donc, il fait des dons à ces sites pour que ces sites y renvoient vers la boutique, quoi. C'est Ah, d'accord. assez incroyable, quoi. Okay. Ah oui, c'est pour ça qu'à certains endroits, c'est marqué qu'il y a l'argent qu'on dépense dessus, ça sert à la lutte. En fait, ça sert à la lutte pour créer des sites dans la galaxie de Anarcoï, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, il affirme aussi Intéressant. qu'il héberge une centaine de sites militants, mais là, on a beau fouiller, on a beau chercher avec Reverse IP et compagnie, on ne trouve aucune trace de ces sites militants. Donc, D'accord. c'est assez étrange, quoi. Donc les seuls sites militants qu'on puisse retrouver dans le, enfin, qui soient en lien avec les pirates punk, etc., c'est d'autres sites qui font partie de la même structure, en tout cas du même, j'allais dire, je disais la même galaxie, mais j'ai aucun autre terme que ça. J'ai l'impression Bah d'avoir ouais, affaire à un truc en j'ai vase clos, quoi. oui, bah en fait, c'est même pas une galère. Enfin, oui, c'est la même personne, en fait. C'est la même personne qui se déguise en collectif, en coopérative. Alors, il est toujours en train d'utiliser des grands mots, mais en fait, il n'y a rien derrière, quoi. Il n'y a qu'une personne et c'est lui, quoi. C'est une communauté, pour une personne, quoi. Ouais, mais il y a quand même de l'argent qui est un peu reversé à des causes extérieures, il me semble. Alors, ça, c'est possible. C'est en tout cas ce qu'il affirme. Ouais. On peut pas le vérifier, on peut que le croire sur parole. Même si c'était vrai, à l'arrivée, si on fait le calcul de tout ce qu'il annonce sur son site, on a quelques milliers d'euros sur ces 15 dernières années, Ouais. quoi, reversés à des ONG et des assos, quoi. C'est marrant parce que il y a à peu près un an, il y a un article qui est paru sur le Indie Média de Lille où des gens se sont un petit peu penchés sur la question justement de cette galaxie de sites ni Dieu ni maître, etc. et anarchopunk.net et tout le bordel et qui sont tombés, enfin qui ont fini par en tirer des chiffres assez conséquents. Tu peux nous en parler? Parce que moi, quand je suis tombé sur cet article, j'étais un peu sur le cul, quoi. Oh ouais, bah ouais, moi aussi, quand je suis tombé dessus, je t'avouerai que vraiment ça nous a étonnés. En 2020, ouais, c'est vrai, c'est sur Indie Media Lille que des camarades ils ont posé un article. Et en fait, ils sont tombés, eux, sur des messages de Anarchoï sur le forum pro vendeur de Spreadshirt. Ah oui, Et c'est des messages qui datent de 2020, mais eux, ils ont publié, je pense, l'année dernière, en début ouais, d'année c'est ça, dernière. c'est Ouais. ça. Et ils ont réussi à les trouver, même si après ils ont été effacés parce qu'il a réussi à les faire effacer de Wayback Machine, quoi. Le D'accord. mec s'y connaît. Et donc, dans ses messages, il se plaignait de l'augmentation des coûts d'impression et de la baisse de ses bénéfices. C'est Parce qu'en gros, dégueulasse. je t'explique, en 2020, Spreadshirt, tu vois, ils augmentent le coût d'impression de leur t-shirt d'un dollar. Donc, en OK. gros, ça passe de 3 à 4 dollars. Et OK. dans son message, Anarchoï, il explique que selon son comptable, parce qu'a priori, il a un comptable, hein, c'est un punk anarchiste avec un comptable, Ben cette augmentation de 1 dollar par t-shirt, elle va faire chuter ses bénéfices de plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Ah oui, ça donne déjà Donc, une idée de l'ampleur du stratagème. Ouais, d'accord. oui, si on le croit sur parole, on peut en conclure qu'en 2019, il a vendu des dizaines de milliers de t-shirts et qu'il prévoit grosso merdo le même chiffre pour 2020. Comme Un. le bénéfice net est de 6 dollars par t-shirt, je vous laisse Putain, calculer ça le fait quand la même. montagne de pognon qu'il a amassé depuis 15 ans, quoi. Ouais, et donc ouais, les camarades lillois là, qui avaient fait cette recherche étaient arrivés à une estimation autour de 250 000 dollars canadiens, je suppose, en Ouais, 2019 ou j'imagine. 2020, Ouais, 2019, je crois, de bénéfices nets dans sur sa poche, l'année. hein, parce Ouais, qu'il y a, il y a, tout à fait. derrière, il y a, on a beau chercher, on trouve aucune coopérative, aucune société, aucune association, tout est en nom propre, clairement, dans sa poche à lui, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est une affaire qui marche vachement bien, tu sais. Ouais. Et quand je pense que certains rechignent quand ils voient un t-shirt à 15 euros qui est vendu de la main à la main par un groupe dans une salle lilloise au hasard, il y en a qui disent que c'est trop cher. Mais là quand même, ce qu'il faut dire, c'est que les t-shirts et puis d'autres items comme ça sont vendus jusqu'à 28 euros pièce sur ces boutiques-là. C'est quand même autre chose. Ouais. Mais tu comprends, c'est parce que c'est des t-shirts éthiques, hein, comme il le Ah, dit lui-même, parce qu'il ouais. reprend tout l'argumentaire de la multinationale Spreadshirt Mais. sur le bullshit comme quoi il traite bien les prolos et il ravage pas l'environnement, quoi. Ouais, et en fait, tu es en train de dire que même ce côté éthique n'est pas vrai. Oh bah non, non, les clients se plaignent de recevoir des t-shirts Fruit of the Loom made in Salvador, quoi. Donc Ah, bah écoute, tout va bien. ah, c'est la totale, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de. On a bien fait le tour de la question. je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront à l'avenir vont encore entendre parler de ces histoires-là. Il est déjà 20h45, il nous reste un quart d'heure. On va pas forcément s'arrêter là. Il y a quand même un truc aussi qui est assez rigolo, c'est que tu parlais donc du fait que le gars arrive à faire supprimer des contenus qui sont sur archive.org, enfin Wayback Machine, et puis sur d'autres trucs comme ça. Il utilise aussi d'autres artifices légaux pour faire supprimer des choses, c'est ça ? Ouais, tout à fait. T'as le DMCA, donc c'est une loi votée aux États-Unis là pour protéger les droits d'auteur. Mmh. Et en gros, tu peux demander à Google de faire supprimer des résultats de recherche quand il y a des liens qui ramènent vers des trucs pour lesquels t'es proprio. Et en fait, lui, il se sert de cette loi DMCA pour faire supprimer les articles qui parlent de son réseau. Tu vois, l'article Indymed à Lille, l'article paru sur Disjoncté l'info, etc. Il demande à Google de les supprimer en arguant qu'il y a un screen de son site et que donc son droit de propriété, il n'est pas respecté. Ok, c'est pour ça qu'on trouve rien. Et donc, tu penses que là, il va arriver à faire supprimer notre émission de ce soir des serveurs de Radio Campus ? J'ai peur, tu sais, tout à coup. Hein ? Puis alors, il est pas avare de menacer de poursuites, etc., etc., tous les gens qui le critiquent. Quoi. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà fait l'expérience. Le premier message que j'ai envoyé, la première phrase contenait le mot avocat. Ça m'avait fait très bizarre. Bon, après on est devenus plus ou moins copains. Enfin, je veux dire, moi je suis gentil, donc il n'y a pas de raison pour qu'on soit méchant avec moi. En fait, si on fait abstraction de la confiscation du pognon là, dont tu as parlé depuis le début, c'est quand même une assez belle plateforme dont beaucoup pourraient s'inspirer pour amplifier la communication au service des luttes, je sais pas. Ou alors, on pourrait demander gentiment au monsieur Arnacoy, là, tu sais, de contribuer cet outil à une communauté de lutte qui pourrait se monter pour l'occasion. Et il pourrait nous en faire don, je sais pas, parce que, bon, là, je trouve qu'il s'est quand même fait déjà beaucoup des couilles en or, si vous me passez l'expression. Et il pourrait quand même maintenant faire un don à une communauté internationale de lutte, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il pourrait nous filer des accès administrateurs et puis on pourrait vraiment collectiviser tout ça, carrément, quoi. Il y a de la thune et il y a des moyens, quoi. Bon, écoute, on va étudier la question. Je pense qu'on va envoyer quelques messages sur les bons forums, enfin, si on y a encore accès. Je te remercie, monsieur antifouchiste. J'espère que tu vas encore. On peut te retrouver actuellement sur Blue Sky, c'est ça, sur le réseau sur lequel. On a quitté le réseau du nazi Twitter. Mais il fallait venir sur Mastodon. On a préparé un article pour redétailler tout ça. D'accord. Et rajouter encore des trucs qu'on va trouver au fur et à mesure. Là où on va se marrer, c'est que l'article, on va le faire passer sur les réseaux que lui, il scrape. Donc, il va automatiquement passer sur tous ces réseaux des articles où on va le critiquer. N'en dis pas trop. je te remercie d'avoir passé du temps avec nous. Je pense que ça a attisé la curiosité de toutes nos auditrices aux éteurs. On te remercie, puis là on va passer de la musique, mais je ne sais pas quoi. En tout cas, merci à toi et puis à bientôt. Merci à vous et puis j'écoute votre musique, c'est super cool. À bientôt. Salut. Salut. Allez, salut, ciao. Salut. Je sais pas, tu veux passer un truc ou... Moi je sais pas, j'ai rien. Je passe un truc. Complètement à vide. Je suis OP sinon. T'es OP ? Vas-y. Ouais. Alors, il y a Damien Saez qui a fait parler de lui. Saez, vous connaissez ? Ah oui, Saez. Il y en a qui disent 16. Ouais, 16, ouais, moi je sais pas, je dis. Ouais. Comme je le sens, tu vois. Et alors, il y a un titre, l'album c'est Apocalypse, apparemment c'est sorti le 1er mars 2025, mais on n'en a pas encore vu la couleur, moi sur le réseau je vois rien et tout. Peut-être il est noir si c'est du vinyle. Enfin, encore que maintenant, tu sais, on peut plus s'étonner de rien. Et alors, c'est le requin et j'en dis pas plus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est comme un requin blanc amoureux d'une sardine. C'est comme un rail de coke amoureux d'une narine. C'est comme le clown qui recale Argy Colombine pour se mettre avec nos notes de la salle de gym. C'est comme un avion de ligne qui aurait pas d'horizon. Un capitaine de navire trop chargé au picon. Comme un chasseur qui tombe amoureux d'un pinson. Comme un rappeur qui rêve de savoir faire des chansons. Hey, hey, hey. C'est comme une grosse coudage qui aimerait trop la quéquette. C'est comme un mal de mer amoureux d'une tempête. Comme un Marseillais qui aurait passé claquette. Comme un manteau de fourrure amoureux d'une pelette. Comme un gros crapaud sans la putain de princesse. C'est comme un vertigo amoureux d'une hôtesse. Comme un putain de prolo qui trouverait plus sa laisse. C'est comme quand ta CB doit passer à la caisse. Hey, hey. Hey. C'est comme une nuit sans toi, comme une teuf sans extra. C'est comme une teuf sans meuf, comme une meuf sans déjà. Comme une pute sans trottoir, comme un bar sans comptoir. Les nuits chez ta sœur à plusieurs dans le plumard. C'est comme un gros pétard qui aurait pas d'allumette. Comme si les cons à vélo sauvaient la planète. C'est comme une gueule de bois qui trouve plus la cuvette. Comme le bar de Nono qui aurait plus d'anis. C'est comme le chat bébert amoureux d'une étoile. C'est comme un punk à chien devant 5 étoiles. Une étoile d'Amérique qui aurait trop le visage pâle. Comme une femme qui a la trique, une baisse sans l'animal. C'est comme un collard bobo qui retrouverait son cerveau. Comme un putain de Boeing amoureux d'un métro. C'est comme un 911 sur la sortie de secours. C'est comme un Titanic qui voudrait faire demi-tour. Hey, hey. Comme un TikTok sans pute, comme une pute sans Insta. Comme le Che sans Guevara, comme le peuple sans RSA. Comme un HLM qui aurait plus d'autodier. Ma Sylvia sans la mer, comme la terre sans la lune. C'est comme un musulman amoureux d'un mouton. C'est comme un catholique qui aime pas les petits garçons. C'est comme la maréchale baisée par un cochon. C'est comme un Damien XVI qui passe à la radio. C'est comme un flic facho qui embrasserait un arabe. C'est comme un fils de flic, oui, qui crierait à cap. Comme un crocodile en haut d'un baobab. Comme une étoile Michelin paumée dans un kebab. C'est comme un politique qui se prend pas son bourre-pif. C'est comme Bob Marley sans split. Comme un samedi sans manif. Comme un jour qui se lève comme une banque sans la Suisse. Comme un idéal, comme un rêve, comme la France sans police. Antifa, antifasciste, antifa, antifasciste, antifa, antifasciste, antifa, antifasciste. Comme un gueule qui sent la canne, un tuning sans la tire. Comme une influence soudain qui apprend à lire. Un rock'n'roll, ta sœur qui a viré folle. Un porn star en immol, un fou sans camisole. Un concert sans whisky comme une bière sans concert. Un prolo sans crédit, un chien sans lampadaire. Comme le la sans sa balle, comme une femme sans cuisine. Comme un shoot sans aiguille, un dodo sans la pipe. Comme Elvis sans le king, comme une teuf sans alcool. Une moto sans béquet, ta sœur à la casserole. C'est comme notre président sans guitare dans sa gueule. C'est comme rouler un split quand t'as pas les feuilles. C'est comme voir son banquier sans armée, sa calage. C'est ce monde d'enculé qui a tué les apaches. Comme une putain de baston, comme une baisse sans vaseline. Après 5-6 riflons, quand j'envoie mes bras les mêmes. Antifasciste, moi j'envoie. We'll be right back. c'est bien, ça part d'un bon sentiment ou un antifasciste, et puis ça suit avec, ouais. Avec les activités de notre antifouchiste qu'on avait juste avant. Ouais. Il nous reste pas longtemps là, 20h56. Non, moi j'ai passé un petit morceau d'un duo garage pop londonien. Le groupe s'appelle Gradia. Pour comprendre un peu mieux leur univers, il faut regarder les deux clips qu'elles ont sortis. Il y a une ambiance années 80, très colorée et bien cheap, c'est assez fun à regarder. Ah ouais. Elles ont sorti leur premier EP en 2024 chez Philips Records. La pochette, elle existe en trois coloris, donc on peut choisir ce qu'on veut. Oh, c'est trop joli. Ouais. Et ça, on l'a pas si on télécharge. Soit jaune, soit vert. Non, ça, on l'a pas si on télécharge. Et donc on écoute tout de suite Chip de Gratia. Yeah. Sharpie in the PVC. Picking food out of my. C'était Fire, c'était Rockers numéro 380. On se retrouve la semaine prochaine et puis pour l'instant écoutez les émissions. Là c'est JD qui a déjà commencé. Vite, vite, vite, on voit, salut, et puis on n'oublie pas.